puis me mettre sur mon 31. Séduire les filles de mon 38. Avoir un peu de rond dedans et éviter que trempent toutes mes dents. Depuis mon plus jeune âge, je sais qui je suis. Sillonné des cadavres, épuré de toute vie et toute la condition au semblant de mon existence et toute la solution à l'épanouissement de ma démence. Par la vision palpitante de ta jugulaire, j'aimerais la serrer et la serrer ta chair. Car depuis mon plus jeune âge, je veux être un meurtrier, mais ne parviens à ébrécher le barrage. Reste les cœurs rassasiés. Depuis mon plus jeune âge, je suis un homme bien trop frustré, étriqué par la folie qui m'en bagage. Bien trop lourd à porter, et je creuse dans mon sillonnage l'espérance d'un demeuré qui contemple derrière un grillage ceux qui sont devenus meurtriers.